demander la police, ne quittez pas. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Je me sens si seul, assis sur cette chaise longue, les yeux dans le brouillard et la tête qui me plombe. Envie de rien, du matin au soir, j'ai dû me tromper, ce n'est qu'une vieille histoire. Dans la seconde, il a fallu que je comprenne ces mots étourdissants qui me martèlent que cela me tienne. Triple zéro, métro boulot dodo, envie d'en finir, je suis au bout du rouleau. Pétard armé, le canon sur la tempe, le doigt sur la gâchette et mes jambes qui tremblent. Appel au secours, un signal de détresse. Dans la basse-cour, les poulets me délaissent. Ne pas souffrir, mais je dois me retenir de verser tant de larmes qui prennent un goût de mauvais souvenir. Égoïste lâche, ces mots qui me fâchent pénètrent mon armure, rassayant mon Moyen-Âge. De belles paroles qui atteignent vos neurones, qui vous font réfléchir et que la vie nous pardonne. Tellement si seul, accroché sous une pluie d'étoiles, un bruit sourd dans ma tête manifeste, mes esprits s'évadent. Tellement si seul, accroché sous une pluie d'étoiles, une simple caresse qui me berce dans mon lit tous les soirs. Tellement si seul, accroché sous une pluie d'étoiles, un bruit sourd dans ma tête manifeste, mes esprits s'évadent. Tellement si seul, accroché sous une pluie d'étoiles, une simple caresse qui me berce dans mon lit tous les soirs. Allô, bonjour, quoi? Personne ne répond. Mes amis me lâchent, la police en fait autant. Forme comateuse, diagnostic état critique, physique pitoyable, vissé par un air cynique. Mental poignant dans le coin de ma plage, j'ai perdu l'océan, cette spirale infernale. Tourbillon d'un sort tombé au fond de ce trou noir, mes mots sont plus coupants que la lame d'un poignard. Trancher ma vie pour une sale connerie, ai-je mérité la fin de ce fameux récit? Mémoire d'antan baignant dans une mare de sang, besoin d'un goutte à goutte pour revivre à présent. Petit à petit mes yeux se ferment et la lueur s'enfuit. Au bout de ce tunnel la lumière s'éclaircit. Tellement si seul, accroché sous une pluie d'étoiles, un bruit sourd dans ma tête manifeste, mes esprits s'évadent. Tellement si seul, accroché sous une pluie d'étoiles, une simple caresse qui me berce dans mon lit tous les soirs. Tellement si seul, accroché sous une pluie d'étoiles, un bruit sourd dans ma tête manifeste, mes esprits s'évadent. Tellement si seul, accroché sous une pluie d'étoiles, une simple caresse qui me berce dans mon lit tous les soirs. J'ai vu, je pense au fond, ce jardin de roses, des millions de pétales étalés au sol qui s'exposent à la chaleur écrasante du soleil, comme raide morte ces couleurs qui déteignent. Sur mon visage on peut lire tous les soirs la marque de ces ronces qui me laissent sans espoir. Mille et une merveille attendre que la vie m'impose l'éternel, la solution c'est l'oubli. Rongé par le temps en avançant toujours de l'avant, attendre une bourrasque effilée comme une flèche d'argent. Tellement si seul, accroché sous une pluie d'étoiles, d'un bruit sourd dans ma tête manifeste, mes esprits s'évadent. Tellement si seul, accroché sous une pluie d'étoiles, une simple caresse qui me berce dans mon lit tous les soirs. Tellement si seul, accroché sous une pluie d'étoiles, un bruit sourd dans ma tête manifeste, mes esprits s'évadent. Tellement si seul, accroché sous une pluie d'étoiles, une simple caresse qui me berce dans mon lit tous les soirs. C'est con, c'est bête, mais c'est comme ça. Je n'ai pas vu le temps défiler devant moi. En regardant la vérité en face, j'ai perdu la notion, mon cerveau se délabre. Comme usé d'une vie saccadée, s'apitoyer de mon sort, j'en ai plus qu'assez. Ouais, s'apitoyer de mon sort, j'en ai plus qu'assez.